qu'une gymnote ou une torpille ? En effet, répondit le commandant, et s'il possède en lui une puissance foudroyante, c'est à coup sûr le plus terrible animal qui soit jamais sorti de la main du Créateur. C'est pourquoi, monsieur, je me tiendrai sur mes gardes. Tout l'équipage resta sur pied pendant la nuit. Personne ne songea à dormir. L'Abraham Lincoln, ne pouvant lutter de vitesse, avait modéré sa marche et se tenait sous petite vapeur. De son côté, le narwal, imitant la frégate, se laissait bercer au gré des lames et semblait décidé à ne point abandonner le théâtre de la lutte. Vers minuit, cependant, il disparut, ou, pour employer une expression plus juste, il s'éteignit comme un gros ver luisant. Avait-il fui ? Il fallait le craindre, non pas l'espérer. Mais à 1h-7 du matin, un sifflement assourdissant se fit entendre, semblable à celui que produit une colonne d'eau chassée avec une extrême violence. Le commandant Farragut, Ned Land et moi, nous étions alors sur la dunette, jetant d'avides regards à travers les profondes ténèbres. « Ned Land, demanda le commandant, vous avez souvent entendu rugir des baleines ?»« Souvent, monsieur, mais jamais de pareilles baleines dont la vue m'est rapportée $2000. »« En effet, vous avez droit à la prime. Mais dites-moi, ce bruit n'est-il pas celui que font les cétacés rejetant l'eau par leurs évents ?»« Le même bruit, monsieur, mais celui-ci est incomparablement plus fort. » Aussi ne peut-on s'y tromper. C'est bien un cétacé qui se tient là dans nos eaux. Avec votre permission, monsieur, ajouta le harponneur, nous lui dirons deux mots demain au lever du jour. S'il est d'humeur à vous entendre, maître Land, répondis-je d'un ton peu convaincu. Que je l'approche à 4 longueurs de harpon, riposta le Canadien, et il faudra bien qu'il m'écoute. Mais pour l'approcher, reprit le commandant, je devrais mettre une baleinière à votre disposition ? Sans doute, monsieur. Ce sera jouer la vie de mes hommes ? Et la mienne, répondit simplement le harponneur. Vers 2 heures du matin, le foyer lumineux reparut, non moins intense, à 5 milles au vent de l'Abraham Lincoln. Malgré la distance, malgré le bruit du vent et de la mer, on entendait distinctement les formidables battements de queue de l'animal, et jusqu'à sa respiration haletante. Il semblait qu'au moment où l'énorme narwal venait respirer à la surface de l'océan, l'air s'engouffrait dans ses poumons, comme fait la vapeur dans les vastes cylindres d'une machine de 2000 chevaux. « Hum, pensais-je, une baleine qui aurait la force d'un régiment de cavalerie, ce serait une jolie baleine. » On resta sur le qui-vive jusqu'au jour, et l'on se prépara au combat. Les engins de pêche furent disposés le long des bastingages. Le second fit charger ses espingoles qui lancent un harpon à une distance d'un mille et de longues canardières à balles explosives dont la blessure est mortelle, même aux plus puissants animaux. Ned Land s'était contenté d'affûter son harpon, arme terrible dans sa main. À 6 heures, l'aube commença à poindre et avec les premières lueurs de l'aurore disparut l'éclat électrique du narwal. À 7 heures, le jour était suffisamment fait, mais une brume matinale très épaisse rétrécissait l'horizon, et les meilleures lorgnettes ne pouvaient la percer. De là, désappointement et colère. Je me hissai jusqu'aux barres d'artimon. Quelques officiers s'étaient déjà perchés à la tête des mâts. À 8 heures, la brume roula lourdement sur les flots, et ses grosses volutes se levèrent peu à peu. L'horizon s'élargissait et se purifiait à la fois. Soudain, et comme la veille, la voix de Ned Land se fit entendre. « La chose en question, par bâbord derrière !» cria le harponneur. Tous les regards se dirigèrent vers le point indiqué. Là, à 1,5 milles de la frégate, un long corps noirâtre émergeait 1 mètre au-dessus des flots. Sa queue, violemment agitée, produisait un remous considérable. Jamais appareil caudal ne battit la mer avec une telle puissance. Un immense sillage, d'une blancheur éclatante, marquait le passage de l'animal et décrivait une courbe allongée. La frégate s'approcha du cétacé. Je l'examinai en toute liberté d'esprit. Les rapports du Shannon et de l'Helvetia avaient un peu exagéré ses dimensions, et j'estimais sa longueur à 250 pieds seulement. Quant à sa grosseur, je ne pouvais que difficilement l'apprécier. Mais, en somme, l'animal me parut être admirablement proportionné dans ses trois dimensions. Pendant que j'observais cet être phénoménal, deux jets de vapeur et d'eau s'élancèrent de ses évents et montèrent à une hauteur de 40 mètres, ce qui me fixa sur son mode de respiration. J'en conclus définitivement qu'il appartenait à l'embranchement des vertébrés, classe des mammifères, sous-classe des monodelphiens, groupe des pisciformes, ordre des cétacés, famille... Ici, je ne pouvais encore me prononcer. L'ordre des cétacés comprend trois familles, les baleines, les cachalots et les dauphins, et c'est dans cette dernière que sont rangés les narwals. Chacune de ces familles se divise en plusieurs genres, chaque genre en espèces, chaque espèce en variétés. Variétés, espèces, genres et familles me manquaient encore, mais je ne doutais pas de compléter ma classification avec l'aide du ciel et du commandant Farragut. L'équipage attendait impatiemment les ordres de son chef. Celui-ci, après avoir attentivement observé l'animal, fit appeler l'ingénieur. L'ingénieur accourut. « Monsieur, dit le commandant, vous avez de la pression ?»« Oui, monsieur, répondit l'ingénieur. « Bien, forcez vos feux et à toute vapeur !» Trois hurrahs accueillirent cet ordre. L'heure de la lutte avait sonné. Quelques instants après, les deux cheminées de la frégate vomissaient des torrents de fumée noire et le pont frémissait sous le tremblotement des chaudières. L'Abraham Lincoln, chassé en avant par sa puissante hélice, se dirigea droit sur l'animal. Celui-ci le laissa indifféremment s'approcher à une demi-encablure. Puis, dédaignant de plonger, il prit une petite allure de fuite et se contenta de maintenir sa distance. Cette poursuite se prolongea pendant trois quarts d'heure environ, sans que la frégate gagnât deux toises sur le cétacé. Il était donc évident qu'à marcher ainsi, on ne l'atteindrait jamais. Le commandant Farragut tordait avec rage l'épaisse touffe de poils qui foisonnait sous son menton. « Ned Land ? » cria-t-il. Le Canadien vint à l'ordre. « Eh bien, maître Land, demanda le commandant, me conseillez-vous encore de mettre mes embarcations à la mer ?»« Non, monsieur, répondit Ned Land, car cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien. » « Que faire, alors ?»« Forcez de vapeur si vous le pouvez, monsieur. Pour moi, avec votre permission, s'entend, je vais m'installer sous les sous-barbes de Beaupré, et si nous arrivons à longueur de harpon, je harponne. »« Allez, Ned, » répondit le commandant Farragut. « Ingénieur, cria-t-il, faites monter la pression. » Ned Land se rendit à son poste. Les feux furent plus activement poussés. L'hélice donna 43 tours à la minute, et la vapeur fusa par les soupapes. Le loch jeté, on constata que l'Abraham Lincoln marchait à raison de 18 milles 5 dixièmes à l'heure. Mais le maudit animal filait aussi avec une vitesse de 18 milles 5 dixièmes. Pendant une heure encore, la frégate se maintint sous cette allure, sans gagner une toise. C'était humiliant pour l'un des plus rapides marcheurs de la marine américaine. Une sourde colère courait parmi l'équipage. Les matelots injuriaient le monstre qui, d'ailleurs, dédaignait de leur répondre. Le commandant Farragut ne se contentait plus de tordre sa barbiche, il la mordait. L'ingénieur fut encore une fois appelé. « Vous avez atteint votre maximum de pression ?» lui demanda le commandant. « Oui, monsieur, » répondit l'ingénieur. « Et vos soupapes sont chargées à 6 atmosphères et demie. Chargez-les à 10 atmosphères. » Voilà un ordre américain s'il en fut. On n'eût pas mieux fait sur le Mississippi pour distancer une concurrence. « Conseil, » dis-je à mon brave serviteur qui se trouvait près de moi, « sais-tu bien que nous allons probablement sauter ?»« Comme il plaira à monsieur, » répondit Conseil. « Eh bien, je l'avouerai, cette chance, il ne me déplaisait pas de la risquer. » Les soupapes furent chargées. Le charbon s'engouffra dans les fourneaux. Les ventilateurs envoyèrent des torrents d'air sur les brasiers. La rapidité de l'Abraham Lincoln s'accrut. Ses mâts tremblaient jusque dans leurs emplantures et les tourbillons de fumée pouvaient à peine trouver passage par les cheminées trop étroites. on jeta le loch une seconde fois. « Eh bien, timonier ?» demanda le commandant Farragut. « 19 300 dixièmes, monsieur. Forcez les feux. » L'ingénieur obéit. Le manomètre marqua 10 atmosphères. Mais le cétacé chauffa, lui aussi, sans doute, car, sans se gêner, il fila ses 19 300 dixièmes. Quelle poursuite ! Non, je ne puis décrire l'émotion qui faisait vibrer tout mon être. Ned Land se tenait à son poste, le harpon à la main. Plusieurs fois, l'animal se laissa approcher. « Nous le gagnons, nous le gagnons !» s'écria le Canadien. Puis, au moment où il se disposait à frapper, le cétacé se dérobait avec une rapidité que je ne puis estimer à moins de 30 000 à l'heure. Et même, pendant notre maximum de vitesse, ne se permit-il pas de narguer la frégate en faisant le tour? Un cri de fureur s'échappa de toutes les poitrines. À midi, nous n'étions pas plus avancés qu'à 8 heures du matin. Le commandant Farragut se décida alors à employer des moyens plus directs. « Ah ! Dit-il, cet animal-là va plus vite que l'Abraham Lincoln. Eh bien, nous allons voir s'il distancera ses boulets coniques. Maître, des hommes à la pièce de l'avant. » Le canon de Gaillard fut immédiatement chargé et braqué. Le coup partit, mais le boulet passa à quelques pieds au-dessus du cétacé, qui se tenait à 1/2 mille. « Un autre, plus adroit ! Cria le commandant. « Et 500 $ à qui percera cette infernale bête ?» Un vieux canonnier à barbe grise, que je vois encore, l'œil calme, la physionomie froide, s'approcha de sa pièce, la mit en position et visa longtemps. Une forte détonation éclata, à laquelle se mêlèrent les hurrahs de l'équipage. Le boulet atteignit son but, il frappa l'animal, mais non pas normalement, et glissant sur sa surface arrondie, il alla se perdre à 2 000 en mer. « Ah ça ! Dit le vieux canonnier, rageant. « Ce gueux-là est donc blindé avec des plaques de 6 pouces ?»« Malédiction ! » s'écria le commandant Farragut. La chasse recommença, et le commandant Farragut, se penchant vers moi, me dit. « Je poursuivrai l'animal jusqu'à ce que ma frégate éclate. »« Oui, répondis-je, et vous aurez raison. » On pouvait espérer que l'animal s'épuiserait et qu'il ne serait pas indifférent à la fatigue comme une machine à vapeur. Mais il n'en fut rien. Les heures s'écoulèrent sans qu'il donnât aucun signe d'épuisement. Cependant, il faut dire à la louange de l'Abraham Lincoln qu'il lutta avec une infatigable ténacité. Je n'estime pas à moins de 500 km la distance qu'il parcourut pendant cette malencontreuse journée du 6 novembre. Mais la nuit vint et enveloppa de ses ombres le houleux océan. En ce moment, je crus que notre expédition était terminée et que nous ne reverrions plus jamais le fantastique animal. Je me trompais. À 10 h 50 du soir, la clarté électrique réapparut à 3 000 au vent de la frégate, aussi pure, aussi intense que pendant la nuit dernière. Le narwal semblait immobile. Peut-être, fatigué de sa journée, dormait-il, se laissant aller à l'ondulation des lames ? Il y avait là une chance dont le commandant Farragut résolut de profiter. Il donna ses ordres. L'Abraham Lincoln fut tenu sous petite vapeur et s'avança prudemment pour ne pas éveiller son adversaire. Il n'est pas rare de rencontrer en plein océan des baleines profondément endormies que l'on attaque alors avec succès, et Ned Land en avait harponné plus d'une pendant son sommeil. Le Canadien alla reprendre son poste dans les sous-barbes du Beaupré. La frégate s'approcha sans bruit, stoppa à 2 encablures de l'animal et courut sur son air. On ne respirait plus à bord. Un silence profond régnait sur le pont. Nous n'étions pas à 100 pieds du foyer ardent, dont l'éclat grandissait et éblouissait nos yeux. En ce moment, penché sur la lisse du gaillard d'avant, je voyais au-dessous de moi Ned Land, accroché d'une main à la martingale, de l'autre brandissant son terrible harpon. 20 pieds à peine le séparaient de l'animal immobile. Tout d'un coup, son bras se détendit violemment et le harpon fut lancé. J'entendis le choc sonore de l'arme, qui semblait avoir heurté un corps dur. La clarté électrique s'éteignit soudain, et deux énormes trombes d'eau s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drômes. Un choc effroyable se produisit, et, lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de me retenir, je fus précipité à la mer. Fin du chapitre 6 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet.